écouter ta guitare, toi, directement en lean power. Avec l'entrée juste lean power, sans ampli, sans rien. Je sais pas si tu m'as entendu. Mais toi, t'as bien une simulation d'ampli sur ton pote là. Attends. Je sais pas si tu m'entends là. Enlève ton pod et mets ta guitare directement, comme tu dis, avec une avec une boîte directe, comme tu dis là. Sur ta guitare, il y a de la reverb, il y a plein d'effets sur ta guitare, Bilou. Enlève la reverb, enlève tout là. Fais-moi écouter sans rien, brut des pommes. Là toi aussi ta reverb, elle est vachement trop grosse, on n'entend même pas la guitare par ta reverb. Compris. Ah non, mais enlève la reverb, enlève tes effets là aussi. T'as plein d'effets sur ton machin, ton pote là. Tu fais que le son de la guitare, t'enlèves la simulation d'ampli, tout ça, parce que pod c'est bien une simulation d'ampli. Enlève la reverb, le chorus, tout le bordel, tout le patatou. Il est con. Ghost qui demande si tu peux monter la backing track. Il y a le monsieur qui demande si tu peux monter la backing track. Ils sont un peu sourds. À force de jouer.